Après la chute d'Arthur, finalement, on a un repli clairement. Arthur, c'est ce grand roi, et après Arthur, c'est le vide, quoi. On peut comparer les combats entre justement ces armées de centaines de milliers d'hommes, de listes de rois qu'on croirait sortis des conquêtes d'Alexandre le Grand. Enfin, un contraste fou. Et finalement, ça se finit avec ces petits rois de Mercie et de Northumbrie. La balkanisation de. Exactement. C'est vraiment. Mais il y a une chute considérable, quoi. Merlin, where are you? Call your dragon to weave a mist to hide us. Je suis censé occuper le pays, normalement j'ai pas besoin qu'on m'invite. Occuper le pays? Non mais vous y croyez encore à ça? Je vais vous asseoir sur une catapulte, je suis sûr qu'en visant le Colisée j'ai mes chances. Hein. Mais vous énervez pas, on parle. C'est fini, Rome. Terminé, tout le monde le sait. Merlin, where are you? Rex Condam. Rexque Futurus. Épisode 3. Arthur, roi de Bretagne. L'Historia Regum Britanniae. Bonjour à tous et bienvenue dans Rex Condam, Rexque Futurus. Bonjour Antoine. Salut Laïs. Alors pour ce nouvel épisode, de nouveau on a un peu reçu de courrier des lecteurs, on va pas forcément en parler, on note toutes vos recommandations et vos conseils de lecture et on vous en est très reconnaissant, mais là ça va être un peu hors contexte donc on en reparlera certainement plus tard. On espère que vous avez écouté nos deux épisodes précédents, mais bien sûr vous pouvez écouter celui-ci à part. On va parler d'une tradition qui est un peu séparée d'ailleurs, même si elle s'appuie sur des écrits qu'on a vus avant. Oui, on va s'intéresser à une tradition plus tardive, une tradition qui est moins galloise, moins bretonne, même si elle a des racines dans cette tradition bretonne d'Arthur, et dont elle dérive probablement la plupart de ses éléments en tout cas, même si effectivement elle en apporte beaucoup de nouveaux, et elle va un peu phagocyter un peu cette mythologie préexistante qui va un peu disparaître, en tout cas du premier plan. Donc c'est ce qu'on appelle la tradition des chroniques, par opposition à la tradition des romances qui commence avec Chrétien de Troyes, qu'on va voir ultérieurement. Mais donc cette tradition des chroniques, c'est un désir, on voit surtout un désir de réconcilier des sources qui parfois créent des contradictions en fait, mais on essaye de réconcilier les sources qu'on a vues avant, donc Gildas, Bède, Nennius, vont être incorporées dans les récits qu'on va voir aujourd'hui. Et avec des éléments nouveaux, peut-être des innovations de Geoffrey de Monmouth, certaines innovations de ses successeurs, certainement, ou peut-être qu'il y a des traditions entre deux qu'on a manquées. En tout cas, eux, ils prétendent s'appuyer sur des traditions établies. Donc, on va vous introduire à la tradition des chroniques, qu'on continuera à regarder la prochaine fois. Mais aujourd'hui, on va regarder le premier des auteurs qui est concerné par cette tradition, probablement, on pourrait dire, son fondateur, Geoffrey de Monmouth, qui a été certainement le plus influent. Son texte va être très influent. Il se propose, dans l'Historia Regum Britanniae, de nous donner l'histoire de toute la Bretagne, depuis son peuplement, en fait, depuis qu'il y a les premiers habitants qui arrivent, jusqu'à, enfin, toute une lignée de rois, qui comprend Arthur et sa parenté directe, puis la chute du roi Arthur, et finalement, la lignée s'éteint quand les rois de Bretagne deviennent une lignée de petits rois locaux dans le pays de Galles. Ça, c'est le schéma global du récit que Geoffrey nous propose. Geoffrey nous donne son nom en fait dans son texte latin, il écrit en latin, en prose, il s'appelle Gofridus Monemutensis, ou Galfridi en génitif, Monemutensis, et il l'appelle aussi Galfridus Monumentensis, donc Geoffrey de Monmouth. Monmouth, c'est la bouche de la rivière Mono, donc c'est là où la rivière Mono, au pays de Galles, rencontre la rivière Wye, près de la frontière. On est donc près de la frontière avec l'Angleterre, et il est visiblement né là-bas. Il est probablement né au début du XIIe siècle, dans la première décennie du XIIe siècle. On ne sait pas grand-chose sur ses origines. On sait qu'il a vécu autour d'Oxford, il a probablement été chanoine du collège de Saint-Georges à Oxford. Il est mentionné dans plusieurs chartes en lien avec une autre personne qui vient de Monmouth, Ralph de Monmouth, ainsi qu'avec l'archidiacre d'Oxford, Walter, qu'il va mentionner dans l'introduction. Et après la mort de Walter, il semble qu'il soit devenu évêque. Il était clerc à la base, il est ordonné prêtre à Westminster autour de 1151 et il devient évêque de Saint-Asaph. Donc on est au Pays de Galles, on ne sait pas s'il y est allé, on ne sait pas s'il a jamais mis les pieds. On se doute qu'il meurt autour de 1155 parce que c'est la date à peu près où il y a un successeur qui est mentionné pour son siège épiscopal. Donc c'est probablement autour de cette date-là qu'il meurt. On ne sait donc pas grand-chose sur sa vie, à part le fait qu'il est mentionné dans certaines chartes comme étant un magister, donc il était peut-être un de ses enseignants, un de ses professeurs à l'université d'Oxford, qui venait d'être, qui avait quelques décennies à l'époque. Le collège de Saint-Georges a rapidement disparu, donc on ne sait pas grand-chose exactement sur ça. Mais enfin, il vient de ce milieu ecclésiastique, disons pas un milieu de campagne. Il est vraiment, il n'est pas prêtre de paroisse. Il est vraiment clerc dans des collèges. Il n'est pas du tout dans un milieu isolé. Il est vraiment dans un milieu savant, si vous voulez. Presque académique. Oui, pré-académique en tout cas. Il est dans ce milieu-là. Et il a donc, on va le voir, il a des techniques très proches de ça, quoi. Il n'est pas du tout intéressé par... voilà, c'est pas un folkloriste local. Enfin, c'est pas qu'il est pas intéressé dans le folklore, il mentionne des choses comme ça, mais il est pas du tout dans cette dimension. Voilà, les contes que racontent mes paroissiens. Voilà, c'est vraiment une histoire, dans une tradition d'histoire latine en prose, tout ce qui est plus classique finalement. Puis du coup, il s'inspire de sources qui sont des sources d'histoire romaine, il les intègre à son récit, il connaît l'histoire romaine. Alors bon, après, il la résume, hein, il va pas non plus avec une grande précision surtout, c'est pas si monumental que ça quand même. En 12 volumes, il a pas tellement de temps, mais on sait qu'il a des sources romaines, il cite notamment Jules César probablement pour sa conquête de la conquête des Gaules et la conquête de la Bretagne. Et on sait qu'il, enfin, il nous le dit, parce qu'il a un prologue, enfin, une dédicace, dans lequel il mentionne que ce Walter d'Oxford, l'archidiacre, donc, lui a donné un livre dans la langue des Bretons, d'histoire dans la langue des Bretons, qui lui permet, qui est censé être sa source principale. Alors, on sait pas quel livre ça peut bien être, parce qu'on n'a pas de source historique, déjà en gallois ou enfin en langue bretonne, avant, qui est survécu en manuscrit avant le 13e siècle, les années 1200, le milieu du 13e siècle. Donc on ne sait pas très bien à quoi ça fait référence. Est-ce que ça fait vraiment référence à une source galloise? Est-ce que c'est une invention pure? Certains ont voulu le croire. C'est possible que ce soit des textes qui étaient traduits en gallois de partir du latin. Tout ce qu'on sait, c'est qu'en tout cas, il mentionne l'arrivée des Bretons en Bretagne, enfin sur l'île de Bretagne. Il mentionne que ça se passe à l'époque du règne d'Élie, sur les Israélites, au moment où les Philistins volent l'Arche d'Alliance. C'est quelque chose qu'il cite quasi exactement dans Nennius. Donc, il a probablement lu Nennius en latin. On l'a mentionné Nennius la dernière fois, hein, dans le premier épisode, si vous en souvenez. Donc, il revendique en tout cas une histoire sourcée. Il revendique des sources quasiment exclusives. On verra après, il attaque ceux qui n'ont pas les mêmes sources que lui et qui disent du coup des bêtises selon lui, mais il a une préoccupation d'être authentique, et effectivement c'est d'une certaine façon, alors pas sans controverse, hein, c'est pas tout à fait accepté par tout le monde suivant les époques, mais ça va être une des histoires reconnues comme en tout cas vaguement historiques, relues et lues et copiées et recopiées à des centaines d'exemplaires pendant tout le Moyen-Âge, qui sera discréditée finalement relativement tardivement. Complètement. Après, il y a des débats, surtout juste après qu'il la publie, qu'il l'écrive et qu'elle commence à circuler. Elle circule très vite, assez loin. Vraiment, donc, une dimension historique revendiquée, mais qui va pas être sans controverse. Un élément intéressant pour le contexte d'écriture de cet Historia Regum Britanniae, qui va, comme on l'a dit, va être une espèce de best-seller au Moyen-Âge, qui va être un des livres très, très recopiés et très lus, c'est qu'elle est écrite, contrairement aux écrits qu'on a vus la première fois, après la conquête normande de la Bretagne par Guillaume le Conquérant. Bah oui, ça se voit déjà dans les noms, en fait, des personnes. Ralph, Geoffrey, Geoffroy, Walter, c'est des noms qui sont assez, à la base, anglo-normands. Ce serait Gauthier en français, Walter typiquement. Et ça se passe vraiment dans le siècle juste après la conquête. Il est né sur une île de Bretagne qui est déjà normande. Et il va s'inscrire dans ce contexte-là. Alors, les Normands sont arrivés à partir de... Il y a une présence normande, notamment dans les conseillers des rois, des derniers rois anglais. Il y a des relations avec la Normandie, de la maison de Wessex sur la fin. Et c'est comme ça que finalement Guillaume le Conquérant dérive une partie de sa légitimité. Il est lié à la maison par sa famille, et il va donc, à partir de 1066, la mort d'Édouard le Confesseur, va chasser du pouvoir Harold Godwinson et conquérir la Bretagne, l'île de Bretagne, et imposer l'Angleterre à l'époque, va imposer sa domination non seulement sur l'Angleterre, hein, mais sur l'Écosse. Brièvement, il va essayer d'imposer son savant sur l'Écosse, le Pays de Galles, et rapidement les Normands vont aussi s'étendre en Irlande. Donc on est dans un contexte rapidement changeant pour quelqu'un comme Geoffrey qui est, alors il écrit en latin, mais visiblement s'il sait traduire un livre, il revendique en tout cas de traduire un livre en langue bretonne, donc il est visiblement gallois. Déjà, il habite en Pays de Galles, il semble venir de là, et il semble du coup vraisemblable qu'il soit gallois d'origine. Donc il y a une dimension peut-être identitaire là-dedans. On est dans les Anglais, donc les Anglo-Saxons qui étaient les ennemis par excellence d'Arthur, hein, on l'a vu dans le premier épisode, hein, qui étaient là jusque-là, qui étaient les rois, les grands régnants, enfin, finalement, ils viennent d'être chassés. Donc, il y a peut-être un appétit peut-être pour une nouvelle version de ces histoires où, finalement, on a des rois conquérants qui les chassent, qui se battent contre eux, comme Arthur, justement, ou Pendragon. Et il y a peut-être une espèce de timeliness, enfin, un zeitgeist de l'époque qui a voulu ça. Et il y a peut-être finalement aussi une certaine façon d'accommoder les nouveaux, on va le voir peut-être plus avec Oas qui écrit pour le coup en français, mais une certaine façon d'accommoder les nouveaux rois, la nouvelle dynastie et les nouveaux arrivants avec leur règne finalement, et de légitimiser leur règne sur une île où à la base ils n'ont pas grand chose à faire. C'est peut-être intéressant de noter justement que dans l'Histoire Regum Britanniae, il va nous parler d'exemples de rois qui vont régner à la fois sur la Grande-Bretagne, donc la Bretagne insulaire, ouais, les îles britanniques. Sur les îles britanniques et sur le continent. On va voir Brennus et Bellinus qui conquièrent la Gaule depuis la Bretagne et qui demandent un tribut de Rome. Et Arthur, plus tard, quand il va conquérir une part du continent et exiger un tribut de Rome, il va citer ça comme un précédent. Et donc c'est peut-être intéressant de voir que ce genre de récit, à un moment où on a des rois normands qui viennent aussi du continent. Ça s'inscrit peut-être dans une idée de fournir des modèles de précédents pour un roi qui serait à la fois continental et des îles et qui aurait une légitimité même par rapport à Rome. Ouais, c'est quelque chose qui est finalement assez... Enfin, qui existait avant d'une certaine façon. Il y a l'Empire de la mer du Nord du roi Knut, par exemple, dont le père Svein commence par conquérir l'Angleterre au début du 11e siècle et qui va finir par régner sur un large empire allant de l'Angleterre au Danemark à la Norvège. Mais jusque-là, effectivement, il n'y avait pas autant de liens entre la Gaule, enfin la Gaule continentale, donc la France de l'époque de Geoffrey, et la Normandie, et l'île de Bretagne. Alors il y a, on va le voir dans le narratif de l'histoire des rois de Bretagne, des liens, surtout avec la Petite-Bretagne, évidemment, parce qu'il y a des Bretons qui sont venus là. Enfin, les habitants de l'Armorique ne sont pas forcément des Gaulois, hein, c'est vraiment des Bretons, insulaires qui sont venus. Mais il y a une volonté peut-être de montrer des précédents, effectivement, pour ces règnes un peu intermédiaires entre les deux. Donc Geoffrey de Monmouth écrit autour de 1136, on pense, son Historia Regum Britanniae, environ, on peut jamais dater précisément. Et donc le récit irait du début du peuplement des îles britanniques par l'arrivée de personnages qui viennent ultimement de Troie, donc des descendants d'aînés, on va vous en parler tout de suite. Et ça se termine avec ça parle de toute la lignée des rois de Bretagne, un tiers, le tiers central si on veut du livre, concerne des épisodes arthuriens, donc c'est surtout de ça qu'on va parler. Mais donc au début, vous avez tout le déploiement de cette histoire des rois de Bretagne, l'invasion par César, on vous parle de différentes interactions avec l'Empire romain. L'invasion de Claudius, les règnes de rois romano-bretons, enfin jusqu'au départ finalement, enfin même là, on voit la mort par exemple de Constance Clore à York, ouais. La proclamation comme empereur de son fils Constantin, la christianisation de l'Empire romain, il y a un narratif aussi finalement, une volonté de réapproprier comme breton ces éléments de l'histoire qui est finalement l'histoire romaine, ouais. Mais qui sont une part assez importante du passé de l'île de Bretagne, qui avait un rôle, la Britannia latine, enfin romaine, avait un rôle important dans l'Empire, et c'était à la fois une source de troupes et une source de richesse pour l'Empire. Et là, il y a une volonté peut-être d'insérer l'histoire romaine finalement dans l'histoire britannique plutôt que l'inverse. Et justement, le départ des Romains de l'île de Bretagne, c'est vraiment cet événement-là qui va déclencher un peu le tir arthurien de l'œuvre. Donc on a les Romains qui se retirent, il y a d'autres souverains qui vont venir remplir ce vide de pouvoir, et ça va donner justement la succession des rois qui mènent à Arthur. Puis après, il nous raconte la mort d'Arthur, et après le déclin de la lignée des rois de Bretagne, si on veut, qui finissent par devenir avec Cadwallader des monarques locaux au Pays de Galles, et c'est là que son livre prend fin, et il nous renvoie à d'autres historiens pour nous dire, pour voir le reste de l'histoire, je vous renvoie à tel et tel qui ont fait des livres sur le sujet. Oui, il se limite finalement à cette histoire, en gros, un gros millénaire et demi d'histoire entre, il se termine autour au milieu du 7e siècle, plus ou moins, avec l'achèvement finalement de la conquête, enfin le fait qu'il n'y ait plus de roi qui soit capable de régner sur les Bretons entiers, et donc des petits royaumes qui sont établis, voilà, tu l'as dit, au Pays de Galles, mais aussi au nord, dans le Strathclyde, auprès de l'Écosse, là où vivent justement ces Gododines, ces Votadini qu'on a mentionné dans le premier épisode. Il y a une espèce de focalisation sur cette chute, clairement. Et moins finalement de focalisation sur on sait un peu moins, on saisit, on voit des figures de rois anglais, mais finalement les personnages centraux, ça reste ces rois britanniques. Il n'y a pas forcément d'inquiétude. Ils s'inquiètent pas forcément de montrer, et ça va être important après. On va le voir quand on étudiera des traductions anglaises, mais ils s'intéressent pas tellement aux figures anglaises au-delà de leur rapport avec les Bretons. Et donc on peut commencer l'histoire avec justement l'histoire avec Guillaume Britannier. Il nous dit que le nom de la Bretagne vient finalement d'un certain Brutus qui serait arrivé dans l'île d'Albion, comme elle s'appelait alors, et qui aurait fondé cette lignée de rois. Donc Brutus, c'est l'arrière-petit-fils d'Aîné, qui s'était enfui de Troie pendant la chute de Troie, qui est un des fondateurs mythiques de Rome. Donc ce serait le petit-fils d'Aîné. Il y a une prophétie qui dit que... L'arrière-petit-fils d'Aîné. Parce qu'il est le petit-fils, finalement. Donc, vous le savez, Aîné a son fils Ascagne, Yule, qui va régner sur Albe, après la mort d'Aîné. Ascagne a un fils qui s'appelle Silvius. Et Silvius va avoir une aventure avec une nièce de sa grand-mère. Donc ouais. C'est une espèce c'est très bref, la mention de Geoffrey, mais c'est assez trouble. Et il va avoir un fils sur lequel une prophétie est faite. Ce fils va tuer ses deux parents. Ça se réalise comme par des prophéties en général. Et sa mère meurt en couche. Et donc on a un accident de chasse. Il tue ce jeune garçon qui s'appelle Brutus. Donc tue Silvius, son père, par erreur. Il croyait tirer sur un cerf, puis en fait il tire sur la poitrine de son père, qui n'a jamais fait cette erreur, franchement. Et du coup il est exilé hors d'Italie, et il rencontre une bande d'exilés troyens aussi. Ouais, il se balade un peu dans la Méditerranée, il va en Grèce, il va tomber sur un roi de Grèce qui retient des exilés troyens prisonniers, et il va finalement les libérer, il va finalement prendre le commandement de ces troyens, et il va partir. Alors il va d'abord aller en Gaule, il va faire des prises de guerre en Gaule, mais il va pas rester sur place, il va finir par s'établir, guidé par Diane, en fait. Il a une vision de la déesse Diane qui lui dit « va dans l'île d'Albion » et puis... Elle s'appelle Albion à la base, l'île blanche. Et il va arriver sur cette île où il n'y a pas d'habitants, nous dit Geoffrey, il nous dit qu'il y a quelques géants, comme ça, juste quelques géants, qui habitent là. Et alors il y a quelques histoires de ces combats contre ces géants, dont un qui s'appelle Gog Magog, par exemple. Ouais. Donc c'est assez biblique, hein, finalement, comme langage. Donc du coup, il appelle ce nouveau royaume sur lequel il règne Britannia, d'après son propre nom. Ses habitants deviennent les Britons, les Bretons. Le même phénomène se passe avec son lieutenant Corineus, à qui il a donné la Cornouaille, donc Cairnau en cornique, qui donne son propre nom, et ainsi de suite. Hein, les fils de Brutus, Locrinus, Cambert et Albanactus vont donner leur nom à des parties de l'île. Cambert va donner la Cambrie, donc la partie au nord du Pays de Galles. Locrinus va nommer Logria, donc c'est le nom qui est donné à l'Angleterre. Albanactus va nommer son royaume Albany, donc l'Écosse. Comme on l'a mentionné, hein, Geoffrey nous dit que ça se passe à l'époque du prêtre Élie qui règne sur la Judée. L'Arche d'Alliance est volée par les Philistins. Les descendants d'Hector règnent à Troie. Et en Italie règne, nous dit Geoffrey, Aeneas Silvius, fils d'Aîné et oncle de Brutus. Donc c'est finalement une dynastie qui a une assez longue vie, visiblement, ouais, pour survivre à l'époque. Donc il nous inscrit cette préhistoire de la Bretagne, si on veut. Il la met en parallèle avec l'histoire biblique. D'ailleurs, c'est assez biblique, ça fait très table des peuples, en fait, d'avoir les lieutenants de Brutus qui donnent leur nom à différents endroits. Oui, les lieutenants, les fils, c'est tout à fait un phénomène comme Noé. Ouais, comme les descendants de Noé qui donnent leur nom à différents peuples. Et en parallèle avec l'histoire romaine, donc clairement dans une préhistoire, une histoire antique de la Bretagne qui intègre plus ou moins toutes celles qui sont reconnues à côté, en fait. C'est pas c'est clairement pas la première mention, si on veut, de Brutus dans ce contexte, hein. On l'a vu, on l'était mentionné chez Nennius, mais c'est la première fois que ce texte est vraiment intégré de façon logique et pas dans une simple succession de noms. Il le développe une narration assez précise. Il raconte les aventures de Brutus en Gaule. C'est pas du tout Nennius qui dit Brutus et a fait si elle est là. C'est vraiment il rencontre un tel, il fait la guerre contre un tel, il fait telle tactique. On est dans une dimension narrative assez proche finalement de ce qui se fait dans l'histoire latine classique. En fait, finalement, c'est des l'historien va raconter des événements qui sont censés être vraiment se dérouler, mais il va agrémenter, disons, leur déroulé exact avec des discours, des dialogues et des événements un peu plus précis et disons plus descriptifs pour un peu rendre son histoire un peu plus intéressante peut-être pour le lecteur. Faut peut-être qu'on précise ici que c'est vraiment une histoire qui est censée être lue par un lecteur, hein. C'est pas du tout un truc qui est censé être déclamé. Ouais. Même s'il y a des éléments de ça, c'est vraiment pour l'instant, on est vraiment dans une histoire qui est pas vouée à la performance. Et c'est une longue liste de rois hein, qui propose de faire toute l'histoire de la Bretagne. Donc on va pas tous les faire. Il parle notamment du roi Lear. Il parle des guerres de César contre la Gaule et la Bretagne. On va accélérer un peu pour arriver aux passages entre guillemets qui nous intéressent, les passages arthuriens. Et donc cette section arthurienne va véritablement commencer avec le roi Constantin, qui a un nom bien romain, mais qui vient en fait de Petite-Bretagne, de Bretagne continentale, d'Armorique, qui était mentionné plus tôt dans le récit. Ouais, l'Armorique est mentionné plus tôt dans les guerres qui suivent le départ de... concerne plus ou moins la fin de la relation entre Rome et la Bretagne. Y a un certain Maximianus qui prend le pouvoir, qui est un neveu ou un cousin de Constantin, qui prend le pouvoir en Bretagne et qui décide de conquérir la Gaule. Et en conquérant la Gaule, il se taille un territoire, une seconde Bretagne, nous dit le texte, en Armorique, et qu'il peuple avec des Bretons insulaires. Donc il y a cette dimension déjà là de que la Bretagne insulaire et la Bretagne armoricaine, la Bretagne française, si vous voulez, Brittany en anglais, il y a une distinction assez facile là, sont finalement issus d'un même peuple. Et donc du coup, quand plus tard... finalement il faut chercher des rois pour régner sur la Bretagne insulaire où il n'y en a plus, c'est finalement assez logique qu'on vienne les prendre en Bretagne armoricaine, d'autant que ça renforce toujours ces liens entre continents. Alors certes c'est pas la Normandie mais c'est la Bretagne, mais ces liens entre continents et îles en fait. Et donc c'est Constantin, le frère d'Aldroenus, quatrième roi de Petite-Bretagne, qui va assumer la couronne en Bretagne. Et ce qui va nous intéresser surtout, ce sont les trois fils du roi Constantin, qui sont donc Constance, un nom toujours très romain, Aurelius Ambrosius, qui doit nous rappeler un personnage qu'on a déjà vu avant, et Uther Pendragon, enfin qui s'appelle pas encore Uther Pendragon, mais juste Uther, mais Uther Pendragon. Et il nous parle un peu de leur enfance, de comment ils sont élevés, etc. Mais ce qui nous intéresse, c'est que Constantin va se faire tuer par un Picte, poignardé par un Picte avec traîtrise. Donc la plupart des membres de cette famille vont mourir empoisonnés, poignardés, trahis, ça court un peu dans la famille. Il y a un peu de débat sur qui devrait être roi, entre Aurelius Ambrosius ou Uther, il y a des disputes. Il y a un certain Vortigern qui est dit ici être le chef des Gewissei, qui essayait de s'emparer de la couronne en fait, qui va convaincre Constant, qui était devenu un moine entre-temps. Donc Constant s'était un peu retiré du pouvoir, probablement que c'est l'aîné, donc il va le convaincre de sortir de son monastère et puis de venir réclamer la couronne pour pouvoir le manipuler en coulisses et puis régner depuis l'arrière du trône. Donc Vortigern, qui était ce tyran fier, puis nommé ensuite Vortigern. Chez Bède, hein, c'est Bède qui nomme la première fois Vortigern. D'ailleurs, c'est peut-être l'occasion de mentionner effectivement que Geoffrey tire de toute évidence de chez Bède. D'ailleurs, il mentionne à la fois Gilas et Bède dans son introduction, hein, donc il s'inscrit dans cette lignée à la fois bretonne, ce narratif breton, mais aussi... Il n'hésite pas à y mettre du narratif anglais, en l'occurrence anglo-latin avec Bède. Vortigern s'arrange pour que ses alliés pictes tuent Constance et que les Saxons, qui sont menés par Hengist et Horsa, viennent s'installer en Bretagne, donc des épisodes qu'on a déjà vus précédemment. Il introduit le personnage de Merlin, il reprend cet épisode de Nennius, donc Merlin les deux dragons qui se battent sous la tour, qui empêchent la tour d'être construite, donc on cherche un enfant sans père, c'est Merlin qui vient et qui lui dit ce que représentent les dragons, donc les Saxons et les Bretons qui s'affrontent, et ultimement une victoire des... Des Bretons, le dragon rouge des Bretons qui d'abord plus faible parvient à chasser le dragon blanc. Peut-être intéressant de mentionner que c'est la première fois qu'ils appellent Merlin en fait dans ce narratif. Alors Geoffrey a pas mal écrit sur Merlin, hein. Il a écrit aussi une Vita Merlini. Oui, dans les années 1150, il aurait écrit un peu avant sa mort, il aurait écrit une vie de Merlin, une Vita Merlini. On vous en parlera parce qu'on fera un épisode séparé sur Merlin. C'est peut-être ça vaudra la peine d'en faire un plus profond. Mais enfin, il semble très impliqué avec le mythe de Merlin, Geoffrey. Donc c'est lui qui finalement semble combiner l'Emeris ou l'Ambrosius de Nennius avec le mythe gallois de Myrdin, en fait. Un personnage gallois antérieur sur lequel on sait très peu de choses, mais on a des personnages gallois qui ont des propriétés très proches de ce Merlin. On peut le rapprocher, comme on l'a dit les dernières fois, de Taliesin, peut-être de Lailoken, peut-être de d'autres personnages. Il a des traits en commun, des traits qui viennent certainement de la littérature galloise. Et puis ce nom de Myrdin, justement, qui semble avoir été altéré en Merlinus, chez Geoffrey en tout cas. Alors, il mentionne aussi que Merlin s'appelle aussi Ambrosius, donc on garde cette tradition où il est... Il a un nom latin, en tout cas. Il a un nom latin aussi. Et on a tout un chapitre, en fait, qu'on appelle les prophéties Merlini, donc les prophéties de Merlin, qui a probablement été rédigé à part et inséré dans le récit. Enfin, il a un statut un peu différent du reste du récit. Parce qu'il circule aussi à part, en dehors du récit. Et il est très... c'est très énigmatique, c'est un langage très imagé. Les protagonistes sont représentés par des animaux qui font ci et ça. C'est pas très évident de savoir ce qu'il veut dire. Mais enfin, voilà, vous avez ces prophéties avec un langage très animalier, surtout. Donc, juste après ces prophéties, la maison de Constantin revient sur le trône. Donc, Aurelius et Uther débarquent en Bretagne. Vortigern avait été averti par Merlin. Il lui avait dit « Fuis la vengeance des fils de Constantin ». Voilà, les Saxons alliés à Vortigern sont plus ou moins vaincus. La maison revient sur le trône. On nous donne un épisode qui va avoir un certain succès par la suite aussi, que Merlin fait transporter un cercle de pierre qui est la danse des géants, qui est en fait Stonehenge. Il le fait transporter d'Irlande magiquement jusque dans l'île de Bretagne, et c'est là-bas que Aurelius va être enterré après qu'il ait été empoisonné par les Saxons. Voilà, c'est assez courant comme mort dans la famille. Et là, ça va être l'avènement d'Uther Pendragon. En fait, c'est à ce moment-là qu'il prend le nom véritablement d'Uther Pendragon. Il y a une comète, une étoile, mais une comète qui apparaît, qui ressemble à une tête de dragon, qui s'étend dans la nuit, et on voit qu'il y a deux rayons de lumière qui sortent de sa bouche. Il y a un des rayons de lumière qui sort de la bouche du dragon, qui va s'étendre sur la Gaule, comme ça s'étendre par-delà la Gaule, et il y a l'autre rayon de lumière qui se divise en sept plus petits rayons, qui vont plutôt du côté de la mer d'Irlande, donc plutôt à l'ouest de la Bretagne. Et il y a Merlin qui interprète ça, enfin tout le monde voit ça, apparemment c'est une apparition qui arrive à trois reprises pendant la nuit, Uther comprend pas trop. Merlin lui explique, écoute, ça parle de toi, ça parle de ton avènement au pouvoir, c'est une tête de dragon, donc Pendragon ce serait ton nom. Et en fait, un des deux rayons, c'est ton fils, qui va être un homme très puissant et qui va régner jusque par-delà la Gaule, donc il va avoir un empire énorme. Et l'autre rayon, c'est ta fille, qui va avoir des descendants qui vont régner sur la Bretagne. Et donc, sept rayons, sept descendants. On va voir que ça se vérifie pas forcément dans la suite du récit, mais en tout cas, voilà, vous avez ces prophéties-là. Il faut mentionner qu'il fait des dragons, il en fait des oriflammes, en fait, enfin, des dragons d'or qui vont être mentionnés dans à peu près toutes les sources après, qui vont lui donner son nom. Enfin, c'est ces espèces d'étendards qu'il va porter avec lui. Porter le signe du dragon. Ouais, exactement. Et effectivement, il va devenir roi à la mort d'Aurelius. Il est empoisonné aussi, Aurelius, donc. Hein. Il devient roi, il va se battre contre les Saxons à de nombreuses reprises, et il va rencontrer à Londres, à l'occasion d'un grand banquet, il va rencontrer la femme d'un de ses ducs les plus efficaces, Gorlois, duc de Cornouailles. Il va rencontrer bien sûr sa femme, Igraine, selon les sources. En l'occurrence, c'est Igraine chez Geoffrey, et qui est dite être la plus belle femme de l'île de Bretagne. Alors évidemment, il va flirter avec elle, ça va générer un conflit entre lui et Gorlais, et finalement il va utiliser, vous connaissez l'histoire, hein, c'est l'histoire la plus célèbre de la vie d'Uther, c'est l'origin story d'Arthur, il va utiliser la magie de Merlin pour finalement rentrer dans Tintagel alors qu'il se prépare à se battre contre Gorlais, faire croire à Ian qu'il est son mari. Donc il prend la semblance de Gorlois, il a l'apparence de Gorlois. Et après qu'ils aient consumé leur union, il dit justement que Gorlois, il a Tintagel qui est imprenable, etc. Il s'infiltre dedans comme ça, pendant que Gorlois apparemment sort. Il a été provoqué par des escarmouches et il sort pour se battre. Et apparemment, il meurt, c'est bien pratique, Gorlois meurt très accidentellement comme ça. Et du coup, il y a ces soldats qui viennent dans le château et qui disent, qui veulent annoncer à Aegern que Gorlois est mort. Et puis ils voient Uther qui est là, qui a l'apparence de Gorlois. Puis il dit non, pas du tout, je vais très bien. Uther va dans son camp, enlève son déguisement magique, et puis après, il peut... Et il dit, c'est très rigolo, parce qu'il dit, Uther déguisé, en gros, il dit, ah, non, mais c'est très triste, j'ai entendu parler de la mort, je suis très triste d'entendre la mort de nos soldats, je vais aller faire la paix avec Uther. Et il sort, il se transforme en Uther, puis du coup, Uther apprend Uther dit, ah, non, mais je suis très triste, il est mort. On sait pas exactement comment il explique ça. Il se réconcilie, avec les Corniques, enfin, les Cornouaillais, les Cornouailles, je ne sais pas comment on dit les habitants de Romain. Et finalement, il décide finalement que bon, bah maintenant, Yann, elle est veuve, enfin, on peut la marier. Il se marie avec elle et il va avoir non seulement un garçon, bah, Arthur, qui va naître, et une fille qui s'appelle Anna. Et Anna va être... il va épouser un certain Lot, roi de Lothian, donc on est au sud de l'Écosse. Et Lot de Lothian, pas Lot d'Orcanie comme dans Camelot, va donner naissance à deux fils. L'un d'eux s'appelle Gauvin et l'autre s'appelle Mordred. Donc tout ça va se passer évidemment plus tard. Pour l'instant, c'est encore Uther qui règne. Il va être empoisonné de nouveau par traîtrise par les Saxons, comme d'habitude. Enterré à Stone Age, tradition voilà. familiale. Il va finalement laisser la place sur le trône à Arthur. Alors, on n'est pas du tout dans une dimension qui va apparaître plus tard. Ça, c'est chez Robert de Boron qu'on a Arthur élevé loin de la cour. Qui doit être révélé par... légende bizarre, comme quoi Pendragon ne veut pas l'avoir à sa cour, ou qu'il pourrait le tuer, ou faire ces histoires bizarres, ou que... Après, on aura le narratif que Uther Pendragon le donne à Merlin pour l'élever, vu qu'il a été... ça, c'est peut-être un narratif proche. L'idée que l'enfant à qui naît à l'aide d'un personnage surnaturel va au personnage surnaturel, ça, c'est ouais. autre théorie. Enfin, Uther meurt, on n'a pas la légende de l'épée dans la pierre, mais Arthur lui succède, il est élu roi, comme de juste, finalement. Bah, c'est le roi légitime, il est voilà. son fils, voilà, c'est standard. Et il va mener la guerre contre les Saxons, mais avec une force incroyable. Il va, très jeune, très tôt, il va s'acquérir la loyauté de beaucoup de guerriers. Il va marcher sur York, il va détruire non seulement Saxons, mais aussi des Scots, des Irlandais, en fait, des Gaëls, des Pictes. Il va se battre contre tout le monde. Il va finalement conquérir directement toute la Bretagne, de près ou de loin. Jusqu'en Écosse, dans le Lothian, où il va installer justement Lot, avec qui enfin, il va marier sa sœur. Il va finalement aussi s'allier avec le roi Hoël d'Armorique, qui est son cousin finalement. Hoël, c'est un peu compliqué, c'est censé être le fils de la sœur d'Arthur, mais c'est une confusion un peu bizarre. Peut-être que, en fait, c'est la sœur d'Aurelius Ambrosius, ouais. C'est plus probable finalement. Et puis bah, bien sûr, Budicius, le père d'Hoël, est parent d'Arthur aussi parce que bah, son grand-père Constantin vient de Armorique aussi évidemment. Donc du coup, il va se battre rapidement contre les Saxons à peu près partout, contre les Pictes, les Scots qu'il va renvoyer très loin. Il va à une bataille, nous donne la description de plusieurs batailles, je ne vais pas tout vous résumer dans le détail. Ce cycle de batailles qui était déjà connu avant. Voilà, il va se battre, il ne liste pas explicitement comme une liste très précise, hein. Il les mentionne juste en passant comme ça, il les décrit plus ou moins, mais il n'a pas une dimension où c'est tant de batailles qui doivent être combattues, etc. Et notamment dans cette description de la bataille de Bath qui est intéressante parce qu'il mentionne non seulement le bouclier d'Arthur, Prydwen, qui porte la figure de la reine, de la Vierge Marie. Il mentionne sa lance, Ron, qui est en fait une version raccourcie du nom de la lance d'Arthur en gallois dans les légendes celtes, à la base. Et son épée sans père, Caliburn, qui a été forgée sur l'île d'Avalon. Donc c'est la première apparition chez Geoffrey d'Excalibur. L'épée, en tant que telle, avait déjà été mentionnée sous des noms liés en gallois dans les textes, enfin antérieurs, mais écrits ultérieurement, hein, vous en doutez. Et donc du coup, c'est là, pour la première fois qu'elle apparaît telle qu'elle, on n'a pas encore la légende de l'épée dans le rocher, ou les légendes de l'épée donnée par la Dame du Lac. C'est juste que ça a été forgé en Avalon. Donc c'est une épée fabuleuse. Mais vraiment, c'est là qu'on va commencer vraiment, à part Merlin. Il n'y a pas énormément de surnaturel encore chez cet Arthur-là. Il y a quelques miracles mentionnés ça et là. Il mentionne notamment... Les prophéties. Et il mentionne Aoël, il lui montre des lacs. Il y a ces fameux étangs magiques dans le Pays de Galles, en Écosse. Il manque qui font des prodiges, notamment des espèces d'étangs dont le niveau de l'eau varie de façon assez bizarre. Ce genre de choses qui était déjà mentionné chez les News, d'ailleurs, les merveilles de l'île de Bretagne, tout ça. Il finit par conquérir et soumettre les Écossais. Il se bat contre les Saxons un peu partout, on l'a vu, hein. Donc il rencontre Lot, Urien, à York. Il leur assigne des territoires. Il marie sa sœur à Lot, qui vont recouvrir Mordred. Et il épouse Guenièvre, qui descend d'une famille romaine noble qui est restée sur le continent, visiblement. Donc, nouveau ce lien avec Rome. C'est, je crois, enfin, c'est pas la première apparition de Guenièvre, mais c'est la première apparition de Guenièvre aussi nette dans un narratif arthurien en latin, qui n'est pas un narratif local, qui a été élevé dans la famille du duc Cador de Cornouailles, visiblement. Donc, on n'est pas encore dans, il n'y a pas encore Léo de Grande ou Léo d'Agrand, c'est vraiment quelque chose d'assez... Ce personnage de Cador pose problème parce que, vu que Gorlois est mort et que Igerne a marié Uther, on ne sait pas exactement comment Cador de Cornouailles est lié à Gorlois de Cornouailles. On ne sait pas exactement son lien. Plus tard, ce sera un demi-frère d'Arthur, dans le sens où il sera le fils de Igerne et Gorlois. Mais là, dans le narratif, ce n'est pas clair d'où il vient, en fait. Oui, ça peut être un parent, un cousin, ou simplement un type qui est là, qui se trouve être duc de Cornouailles. Il est probable qu'il soit lié à Arthur d'une façon ou d'une autre, d'autant que si Cador est effectivement le neveu, enfin, quelqu'un par parent par alliance, plus ou moins d'Arthur... Ce serait rigolo parce que c'est plus ou moins la même justification avec laquelle Guillaume le Conquérant, qui était cousin mais pas descendant des rois anglais, est monté sur le trône d'Angleterre. Donc il va aussi conquérir l'Irlande, après une invasion irlandaise qui tombe mal pour les Irlandais. Il va conquérir l'Islande, il va conquérir les Orcades, il va conquérir plus ou moins tous les alentours de l'île de Bretagne, et il va régner en paix pendant 12 ans, il nous le dit clairement, il établit un état de paix général qui va durer 12 ans. Et c'est là, ultérieurement, on va le voir chez Wass et Larman, surtout c'est là que vont s'insérer beaucoup de ses romances dans d'autres textes. Mais enfin, on en parlera plus tard. On nous mentionne qu'il invite de très nombreux chevaliers, on nous donne toute une liste de chevaliers, incluant justement Gauvin, mais aussi des gens comme le roi Ricoulf de Norvège, qui va finalement tuer pour installer Loth à la place, comme roi de Norvège aussi. Il va battre Frollo, le tribun des Gaules. Il va petit à petit finalement s'étendre avec l'aide d'alliés qui viennent d'un peu partout, et de son neveu Gauvin, qui est mentionné comme son lieutenant, son plus fidèle guerrier. Il va étendre son royaume en Gaule. Et c'est là que on va voir une longue conquête de la Gaule. Bon, une bonne partie du texte, c'est ses conquêtes justement d'abord de l'Angleterre puis de la Gaule. Il n'y a pas tellement d'événements mentionnés pendant les périodes de paix. Avec l'aide toujours d'Oël d'Armory, qui va se battre dans le Poitou, en Aquitaine. Il va aller en Neustrie. Ce qu'ils appellent la Neustrie, c'est pas la Neustrie de Charlemagne, c'est la Normandie. Il va donner la Neustrie et la Normandie à Bédivère, son porte-coupe. Il va mentionner l'Anjou qui donne à Quai, son sénéchal. Donc on a tous ces personnages des légendes galloises qu'on a mentionnées la dernière fois, qui sont bien présents, qui sont ces chevaliers. C'est pas encore l'achevé de la table ronde, mais on va voir des cours assez proches finalement de ces cours arthuriennes célèbres. Il mentionne notamment que Arthur tient une cour à la cité des Légions, Caerleon, dans le Pays de Galles, tenir cours à la Pentecôte, donc Whitsunday, le dimanche de la Pentecôte, tenir sa cour comme il le tiendra plus tard chez Chrétien et dans la plupart des narratifs arthuriens, où c'est ces fêtes religieuses qui deviennent l'occasion de réunir la table ronde. Là, je vous mentionne Caerleon comme une principale, et c'est vrai que les villes galloises étaient probablement plus accessibles, enfin, en termes de connaissances pour Geoffrey, qui a grandi apparemment vers Monmouth. Mais faut pas oublier qu'Arthur est bien roi de toute la Bretagne, il va pas seulement régner au Pays de Galles. Tintagel, une de ses cours, c'est au Pays de Cornouailles. Il a des cours, notamment, Glastonbury est souvent mentionné comme une présence arthurienne assez forte, mais il a des Camelot, par exemple, n'est pas forcément au Pays de Galles. Il n'y a pas de limite précise au royaume d'Arthur. Il va vraiment tourner un peu partout. Et là, justement, il va mentionner dans cette cité des Légions. Donc, mais pour le coup, c'est cette cité des Légions, c'est bien sur la rivière Usk, c'est bien dans le Monmouthshire, donc près de la, effectivement, là où il a grandi. Il va y réunir de nombreux rois sujets. Il y a Urien, donc le frère de Lot, le roi d'Albany, Augustellus, Cadwalolor, le roi des Vénédotti, les Gallois du Nord. Je ne veux pas vous faire toute la liste, mais il y a bien sûr Cador. Et puis les archevêques de toutes les grandes villes, les primats, tous les comtes et ducs de toute la région. Et des gens, notamment, il mentionne quelques noms gallois, des fils de personnes importantes, notamment un certain Peredur, Mac Peredur, qui est peut-être la première apparition d'un Peredur, enfin, il n'y a pas la première apparition d'un Peredur chez Geoffrey, il y a des Peredurs mentionnés avant, c'est un nom gallois très fréquent, mais qui va devenir le nom de la version galloise de Perceval. Alors, de là à dire que Chrétien l'a pris là, je pense pas, mais enfin, c'est possible qu'il y ait une parenté, en tout cas, à un certain niveau. On ne sait pas très bien si c'est des noms qu'il a tirés quelque part, ou qui mentionne comme étant des noms, parce que c'est des noms qu'on retrouve ailleurs dans son histoire, mais c'est pas les personnages. Évidemment, Kimbeline est roi de Bretagne quand Jésus est crucifié, donc c'est vraiment là, vous quand avez, Jésus est crucifié, donc c'est vraiment qui revient, mais on ne sait pas forcément quel sens donner à ça. C'est des noms, en tout cas, qui remplissent nettement la liste de la cour d'Arthur. Et on est dans des dimensions qui sont finalement assez celtes. C'est ces listes de chevaliers qu'on avait mentionnées avant. Enfin bref, il y a ces noms pas encore beaucoup qui sont très connus. Il y a Bedivere, il y a Loth, il y a Gauvin. Ok, mais autrement, c'est vraiment des noms que vous reconnaîtriez pas forcément de base. Enfin, il y a Borelius de Cénomanie, Jonathel de Dorchester, Bosso de Richian, Doldavius de Gotland. Les fameux. C'est ça, c'est pas forcément des gens. Malvasius, roi d'Islande. C'est vraiment des. Voilà, c'est des noms qui sont mentionnés plus pour. Qui n'ont pas tellement survécu dans le mythe arthurien en tant que tel. On est vraiment dans une dimension arthurienne qui est là peut-être. Qui a peut-être plus influencé d'autres comme chrétiens, justement. Mais ça, c'est des descriptions de cours arthuriennes qui vont se retrouver dans beaucoup de récits ultérieurs, en fait. Et là, à ce festin, ce grand festin, on va faire lire une lettre des 12 hommes d'âge mûr et d'allure respectable, où Geoffrey arrive, et ils portent des branches d'olivier pour montrer qu'ils sont des envoyés, et ils vont saluer Arthur, lui dire qu'il porte un message de Lucius Iberius, qui se dit procureur de la République, et qui va lui, finalement, le défier, et lui dire qu'il est un sale gamin, plus ou moins. Donc il va lui dire qu'il est finalement un roi insolent, un tyran qui devrait, qui finalement mérite pour sa conquête de la Gaule des mains des Romains, hein, donc qui mérite finalement les pires sévices, qu'il a insulté le Sénat, qu'il a désobéi à l'Empire, qu'il a retenu le tribut qu'il devait à Rome, parce que finalement, Gaius, depuis la conquête de César, les Bretons sont censés payer le tribut, qu'il s'est emparé de la province des Allobroges, qu'il s'est emparé de la Gaule, s'est emparé de toutes les îles de l'océan, et qu'il devait pourtant jusque-là rendre tribut à Rome, et qu'il devrait apparaître à Rome pour être puni et pour se soumettre au joug finalement des Romains, d'ici au prochain mois d'août. À l'entente de cette lettre, bien sûr, tout le monde se marre finalement, parce que c'est ridicule. Il voit ça comme vraiment une provocation. Cador, il nous dit que Cador, le duc de Cornouailles, qui était un homme joyeux, se met à rire. Il se dit, parce que maintenant c'était trop facile jusque-là, ça serait bien, il nous faudrait bien une bonne guerre. Il décide de monter, tenir un conseil de guerre dans une tour, et ils vont finalement faire un long conseil de guerre dans lequel on va voir Cador, Hoël et d'autres, notamment Auguselus, rendre hommage à Arthur, leur roi, qui mérite bien mieux que ce traitement-là, et il va décider finalement de mener la guerre contre Rome. Et donc ça, ce sont les événements qui vont marquer, enfin qui vont démarrer la fin du règne d'Arthur, cette guerre contre Rome. Donc Rome exige un tribut, Arthur dit finalement non, vous savez quoi, je vais venir à Rome, mais ce sera pour que vous me donniez un tribut. Il monte une armée qui fait, je crois, il nous dit 183 000 hommes, enfin 183 000 chevaliers, puis des soldats innombrables. Il va en Gaule, il aide Hoël sur le chemin, il y a de nouveau une espèce de prodige. Arthur a un rêve prémonitoire où il voit un dragon qui vainc un ours, qui en fait est une prophétie parce qu'il va arriver au Mont Saint-Michel et il va tuer le géant du Mont Saint-Michel. Donc il était représenté par le dragon et le géant était représenté par l'ours. Et le géant du Mont Saint-Michel retenait la nièce de Hoël. Donc un petit combat contre un géant sur le chemin. Cette campagne n'est pas vraiment heureuse, elle va vraiment marquer la fin du règne d'Arthur parce qu'il part, il confie le royaume à sa femme, Guenièvre, et à son neveu Mordred. Donc si vous avez écouté notre premier épisode, vous savez que Mordred, dans la tradition, c'est celui qui trahit Arthur. Ça va pas bien se passer. Pendant la campagne de Gaule, il y a que et Bedivere qui meurent, ce qui est tragique, sont enterrés avec les honneurs. Donc on leur avait donné des terres en Gaule, d'ailleurs, donc c'est quand même assez aigre-doux comme victoire. Et quand il arrive plus ou moins à Rome, il y a un messager qui arrive et qui lui dit « Mordred a usurpé le trône, il a épousé Guenièvre », donc qui est la femme de son oncle, donc il n'aurait pas dû faire ça. Il a épousé Guenièvre, il brigue la couronne et il vous a trahi. Donc Arthur décide de faire demi-tour. Son armée va débarquer en Bretagne, affronter les troupes de Mordred, qui s'est plus ou moins allié aux Saxons et aux autres ennemis d'Arthur. Pendant cette campagne, Gauvin meurt, puis Arthur affronte Mordred, suivant la tradition. Il inflige une blessure mortelle à Mordred qui meurt, mais il en reçoit une. Et là, on nous dit qu'il est emmené en Avalon pour être soigné, mais que sa blessure est mortelle quand même. Donc est-ce qu'il va guérir ou est-ce que sa blessure était mortelle ? Enfin, Arthur est enlevé en Avalon. Avant ça, il donne la couronne à Constantin, fils de Cador, ce qui est assez intéressant, et qui marque du coup la fin de cette parenthèse arthurienne, si on veut. Et d'une certaine manière, le cercle est plus ou moins complet, c'est-à-dire que vous aviez un roi Constantin, qui est donc le grand-père d'Arthur, il y a ces rois qui se succèdent à partir de lui. Et puis on revient à un roi qui s'appelle Constantin. Aussi, ce qui est intéressant, c'est que la couronne va dans la maison de Cornouailles, alors que justement, Uther avait lésé la maison de Cornouailles en prenant l'apparence de Gorlois, et puis il était mort, et puis il avait pris sa femme. Bah là, la couronne revient dans la maison de Cornouailles, même si on sait pas exactement quel rapport ce Cador entretient avec les personnages précédents. Après ça, la lignée des rois de Bretagne continue un petit peu. Il y a 8 ou 9, ça dépend comment on les compte, jusqu'à Cadwaladr, qui devient basiquement un roi local au pays de Galles, qui se fait plus ou moins supplanter. Et Cadwaladr meurt, il va à Rome, il se fait confirmer par le pape, et puis il meurt en fait très peu de temps après, ce qui marque un peu la fin de cette lignée des rois de Bretagne. Oui, il faut mentionner peut-être que bah, sur la fin, il mentionne notamment l'arrivée d'Augustin, de Saint-Augustin Canterbury. Il mentionne des éléments plus récents, plus historiques pour le coup. Il y a de nombreuses guerres entre notamment les Saxons qui ont commencé à s'établir, les Merciens, les Northumbriens. Il y a des traits, on commence à avoir des traits de dissension aussi chez les Saxons. Mais finalement, c'est ça devient de moins en moins la focalisation. C'est vraiment cette fin tragique. Je veux juste qu'on mentionne quand même on a mentionné très brièvement cette campagne contre Lucius qui va être victorieuse. Hein. Il va battre Lucius, il va assiéger Rome. Il est en train d'assiéger Rome juste au moment où il doit faire demi-tour, l'empereur Léo de Rome, parce que Lucius, du coup, Iberius, qui devait mobiliser une armée, il ne peut pas mobiliser une armée occidentale, enfin romain ou de Gaulois, parce qu'il n'y en a pas assez, et du coup il doit demander au roi d'Orient. Et donc du coup il assemble aussi vite que possible, je vais vous faire la liste parce que c'est trop drôle, il assemble Epistrophus, le roi des Grecs, Mustansar, le roi des Africains, Ali Fatima, le roi d'Espagne, qui est déjà visiblement déjà conquise par les musulmans au 6e siècle. J'imagine beaucoup Ali dans le Tardis, tu sais. Ouais. Hyrtacius, le roi des Parthes, Bocchus, le roi des Mèdes, Sertorius de Libye, Cercès, le roi des Itureilles, Pandrasus, roi d'Égypte, Micipsa, roi de Babylone, Polytétès, duc de Bithynie, Teucer, duc de Phrygie, Évandre de Syrie, Échion de Boétie, Hippolytus de Crète, et tous les seigneurs et princes qui leur devaient hommage, ainsi qu'une bonne quelques sénateurs, dont un certain Marius Lepidus, Gaius Metellus Cocta, Quintus Milvius Catulus, Quintus Carucius, 400 000 hommes en tout, 400 000 hommes et 160, très exactement, selon J. Donc j'aimerais bien, ça résume bien ce mode de narration chez Geoffrey, une vision semblant assez précise, mais qui est clairement de la pseudo-histoire. Quoi. Ouais. On n'est pas du tout dans des sources. Enfin, je ne sais pas d'où il tire cette liste. Mais je crois que c'est intéressant parce que ça souligne en fait le caractère de monarque européen d'Arthur. Arthur, c'est le monarque européen occidental, tandis que les Romains, à ce moment-là de l'histoire, c'est pratiquement des Byzantins, en fait. Ils ont l'Empire d'Orient et puis ils ont perdu le contrôle sur tout l'ouest de l'Empire. C'est aussi intéressant que cette histoire se soit racontée. On est déjà au temps des croisades, finalement, quand ça se raconte, ça se montre dans un intérêt. Probablement qu'ils projettent un peu en arrière le fait d'avoir l'Espagne musulmane, c'est assez clair, mais probablement qu'ils projettent aussi la géopolitique de son temps, si on veut. C'est ça, on parlait de cette fin entre les Saxons et les... Après la chute d'Arthur, finalement, on a un repli, clairement. Et c'est ça qui est assez intéressant, je trouve, c'est que Arthur, c'est le symbole de cette... finalement, pour Geoffrey, c'est un peu... C'est ce grand roi, et après Arthur, c'est le vide, quoi. On peut comparer les combats entre justement ces armées de centaines de milliers d'hommes, de listes de rois qu'on croirait sortis des conquêtes d'Alexandre le Grand, avec des listes de rois de toutes les îles du Nord. Enfin, c'est un contraste fou. Et finalement, ça se finit avec ces petits rois de Mercie et de Northumbrie. La balkanisation de... Exactement. C'est vraiment... Mais il y a une chute considérable, quoi. Même, et pourtant, hein, ce conflit entre Arthur et Rome, c'est pourtant même pas un conflit entre païens et chrétiens, c'est un conflit entre chrétiens. Tous ces gens, on n'entend pas beaucoup parler de la religion d'Ali Fatima, roi d'Espagne, mais de l'époque, c'est censé être des chrétiens. Et donc finalement, on passe d'un roi qui a... C'est pour ça qu'on parle aussi d'Arthur, qu'il est resté comme le centre finalement du récit de Geoffrey, même s'il occupe... Ouais, en gros, on compte un tiers, mais c'est un tiers avec Uther, hein, avec l'histoire de Constantin. Hein. C'est pas une partie, c'est une partie centrale parce qu'elle a une dimension mondiale. Et des ambitions mondiales. Et à côté, finalement, les Saxons, c'est des gagnes petits, presque. Donc il y a cette dimension qui est assez intéressante chez Geoffrey, que je voulais souligner comme ça, mais qui est là nettement, c'est que Geoffrey, décrit cette grandeur qui est perdue, en fait, et qui pourrait peut-être être restaurée avec ses rois venus du continent. Il y a peut-être cette dimension. Peut-être une dimension, justement, ouais, une glorification de la Bretagne, mais qui est assez indistincte pour que les Normands puissent s'en réclamer, peut-être. Oui, il y a aussi de ça. Et il y a aussi, finalement, les Normands sont des royaumes normands, on en trouve jusqu'en Sicile. Hein. Bon, c'est pas les Normands. C'est pas la même dynastie, mais c'est des rois. C'est une influence qui va s'étendre assez loin. Il dédie notamment dans sa dédicace son œuvre à deux personne noble, à Robert de Gloucester, qui est le fils illégitime d'Henri Ier, dont il mentionne la grande connaissance qu'il aimerait avoir comme conseiller, enfin pour l'aider à finalement amener son œuvre qu'il décrit comme très infiniment au-delà de ses limitations à lui et plus loin vraiment la connaissance de Robert. Il mentionne un autre conte, Waleran de Mélante, conte de peut-être Mélin, on ne sait pas exactement, qui est un conte anglo-normand. Donc il a vraiment des liens avec l'aristocratie, il a des liens avec les autorités, les nouvelles autorités. Après, on ne sait pas exactement de quelle nature ils sont, mais enfin, on est clairement, pour moi, dans une dimension déjà assez de légitimation et de finalement de prédiction, parce qu'il y a pas encore, on n'est pas encore tout à fait dans ce mythe de retour. Il ne mentionne pas le retour potentiel de l'Arthur, Geoffrey, il me semble. Non, c'est pas, il ne le mentionne pas explicitement. Il y a sa fin où il est emmené, mais. Pour être soigné, mais c'est pas vraiment. Il est occulté d'une certaine manière, mais il ne mentionne pas cette croyance. Oui, il y a clairement une dimension où la parenthèse arthurienne, enfin, on peut vraiment parler de parenthèse parce que c'est un moment d'éclat. Il n'y a pas encore forcément cette idée de temps aventureux, mais c'est ce qui va être inséré plus tard dedans. Mais il y a une idée de temps de paix, de stabilité, de grandeur, de flamboyance, qui va pas être remplacée. Puis il dit même, il conclut son livre en disant, après ça, après Cadwalader, les Bretons n'ont jamais récupéré ce statut-là. En fait, ils se sont battus entre eux, leur pays a été massacre sur massacre, misère sur misère. Et à la fin de son livre, en fait, il renvoie à d'autres historiens. Il dit, pour l'histoire du pays de Galles, je vous renvoie à mon contemporain Caradoc de Lancarfen. Pour l'histoire des rois des Saxons, je vous renvoie à Henry de Huntingdon. Enfin, il renvoie à d'autres autorités pour dire, vous savez, comme s'il n'y avait plus vraiment d'histoire britannique après ça. Il y a une histoire du pays de Galles, si vous voulez, chez lui. Il y a une histoire des Saxons chez lui. Mais juste après cette fin de ce que je suis en train de vous raconter, c'est comme si on pouvait plus parler de roi de Bretagne, en fait, jusqu'à ce qu'il y ait de nouveau une Bretagne unifiée. Ouais, et puis il y a aussi une dimension assez forte, enfin cet aspect identitaire des jours glorieux qui ont été finalement consumés par la traîtrise et l'irrespect des coutumes, notamment de Mordred. C'est quelque chose qu'on retrouve, une dimension de lamentation, alors qui est beaucoup ici beaucoup plus hyper, enfin amplifiée et très détachée des fêtes, mais enfin, elle est quand même assez extrême. On retrouve ce genre de sous-texte chez Gildas, qui nous dit que si les Bretons ont dépéri, c'est parce qu'ils ont été des mauvais chrétiens. Et peut-être qu'il y a une espèce d'ironie envers les Saxons aussi là-dedans, qui ont maintenant été conquis par une autre dynastie. Et c'est pas étonnant de voir à quel point Arthur va avoir du succès après ça, quoi. C'est vraiment, Arthur a conquis la moitié du monde. Arthur, c'est l'Alexandre moderne. Ouais. Enfin, presque. Ouais, moderne. Enfin, disons, c'est l'Alexandre, c'est l'équivalent d'Alexandre. Pour il va devenir un de ces. On a cette notion des valeureux. Au Moyen-Âge, les trois valeureux juifs, les trois valeureux païens et les trois valeureux chrétiens. C'est Nine Worthies en anglais. Hein. Les juifs, c'est Joshua, David et Judas Maccabée. Les païens, c'est Hector, Alexandre le Grand et Jules César. Et évidemment, les trois Worthies chrétiens sont le roi Arthur, Charlemagne et plus tard Godefroy de Bouillon. Et on va avoir justement. Cette idéalisation d'Arthur qui va permettre de donner l'essence à ce mythe, finalement. Sans Geoffrey pour l'introduire comme ce roi ultime, je pense pas qu'il aurait connu un aussi grand succès. Je pense pas qu'il aurait été aussi repris, aussi commenté et aussi, finalement, tenu comme cet exemple de royauté parfaite. Une autre fonction peut-être de l'Historia Regum Britanniae, c'est qu'elle permet de faire vraiment la charnière entre l'histoire médiévale, enfin pour Geoffrey c'est l'histoire de son temps, mais entre l'histoire médiévale et l'histoire romaine, l'histoire antique. Donc il a vraiment ce projet de nous faire, si elle a du succès aussi, parce que justement il articule toute l'histoire de la Bretagne depuis les temps les plus anciens ancrés dans l'antiquité classique jusqu'à basiquement les royaumes saxons qui sont, enfin il enjambe cette période de ce que nous on appellerait les âges sombres, il réussit à la remplacer. Et en fait, son récit réussit à remplacer cette période et puis à articuler justement l'histoire de la Bretagne. Donc, après, c'est de l'histoire classique très... Après, c'est de l'histoire très classique. Donc, vous avez les empires qui grandissent, qui s'affaiblissent, qui perdent, qui dépérissent pour des problèmes moraux ou... souvent pour des problèmes moraux. On voit aussi le thème, je pense, dans les choses qu'il a introduites, on a cette idée de Mordred qui devient de plus en plus proche d'Arthur. C'est-à-dire, bah là, c'est son neveu. Il n'est pas encore son fils incestueux, mais il commet un acte incestueux, donc en mariant Guenièvre, en mariant la femme de son oncle, il commet un acte qui est une transgression qui peut être classée comme de l'inceste. Donc, il a déjà cette dimension perverse. On l'a peut-être pas dit, mais on a Guenièvre qui aussi a l'air d'être consentante à cette union, qui a l'air de se mettre Mordred de son plein gré et de trahir Arthur alors qu'elle aussi on lui avait confié le royaume. Elle précise qu'elle va sortir, enfin on précise qu'elle sortir comme nonne dans un monastère, enfin d'un couvent. Geoffrey d'ailleurs me fait un point de dire qu'il va pas commenter les détails de cette affaire parce qu'il sait pas grand-chose. On peut pas juger tellement, mais il semble impliquer qu'en fait elle l'ait fait volontairement. C'est un peu plus sordide que ce qu'il veut bien nous dire. Et ça va probablement augurer une autre tradition de Guenièvre plus tard, quand elle trahit Arthur avec Lancelot, et ça augure aussi probablement dans les cycles arthuriens qu'on va voir plus tard, cette idée qu'il y a la faute de Guenièvre avec Lancelot, ou la trahison de Guenièvre, qui précipite la mort du royaume arthurien, en fait. Là, on a assez explicitement une trahison qui déclenche cette guerre finale et fatale pour Arthur, et Guenièvre qui fait pénitence dans un monastère. Après, ça pourrait être juste qu'on a besoin de qu'elle finisse sa storyline quelque part, donc on la met dans un monastère, comme ça elle n'a pas d'enfant. Peut-être, probablement qu'il y a aussi une dimension de pénitence et de culpabilité là-dedans. Donc, du coup, ça va être de la faute de Guenièvre, finalement, presque, que le royaume est tombé, et qui incorpore Mordred comme tueur d'Arthur, qui lui et Arthur se sont entretués. C'est aussi intéressant de mentionner que c'est une des premières œuvres à pas mentionner. Enfin, Nennius ne mentionne pas, mais Nennius ne mentionne pas grand-chose, mais c'est pour autant, si c'est la première fois que c'est, je pense, qu'il est aussi explicite qu'Arthur n'a pas de descendance. Ouais. C'est quelque chose qui est assez présent pourtant dans les origines... galloise du personnage, et c'est quelque chose qu'on se retrouve dans certaines, d'ailleurs, romances françaises. Je pense au Père des Vosges principalement, mais il y en a d'autres. Alors que là, pour le coup, il n'y a vraiment pas d'enfant mentionné du tout. C'est d'ailleurs la preuve. Sa dynastie se termine avec le retour à une famille peut-être parente, mais lointaine. Il y a peut-être aussi une dimension, du coup, qu'il n'y a pas de descendance d'Arthur, qui souligne encore plus ce statut de parenthèse, finalement. De parenthèse, de roi occulté. Enfin, ça se finit. Guenièvre va dans un couvent, la plupart des chevaliers sont morts, des grands chevaliers, Gauvain est mort aussi, donc il a même plus de famille vraiment, en fait, de Gauvain qui serait son héritier est mort. Ouais, la descendance de Lot, finalement, l'un d'eux a bien servi, l'autre a mal servi, mais dans tous les cas, il mentionne une descendance à Mordred, par contre. Oui, Mordred a une descendance. Mordred a deux fils qui se font massacrer par le Constantin, fils de Cador. C'est un passage qui vient probablement de Gildas. Gildas mentionne aussi un Constantin après la bataille du Mont Badon, un roi Constantin, qui tue deux jeunes d'ascendance royale quand ils étaient en train de prier devant un autel. Donc c'est pas dit comme quelque chose de bien. Probablement que c'est de là qu'il reprend et il nous dit que Constantin tue les deux fils de Mordred, donc même Mordred n'a pas de descendance. Et de nouveau, ça colle pas avec la prophétie de Merlin, en fait. Il n'y a pas sept descendants d'Anna qui vont régner sur la Bretagne. Si vous comptez tous les rois qui descendent pas d'Anna, hein, vous comptez tous les rois qui suivent après, il y en a plus que sept, ou moins que sept, s'il y en a certains que vous voulez pas compter. Cette prophétie, elle a pas l'air de cadrer, je sais pas exactement quelle est la raison. Probablement juste, il compile plein de sources qui se marchent un peu sur les pieds. Peut-être aussi qu'à la base, il y avait une espèce de fille d'Anna qui était mentionnée comme ayant marié Cador, je sais pas, mère de Constantin. C'est possible qu'il y ait des non-dits qui expliqueraient les choses. C'est aussi possible, effectivement, comme tu le dis, que ce soit un mélange de sources assez joyeux et sans beaucoup de sens aujourd'hui, maintenant. Si des gens qui sont plus spécialistes que nous nous écoutent et veulent nous corriger, ce sera volontiers qu'on y fera une correction prochainement. Je crois qu'on a à peu près atteint le terme de l'épisode. Là, il a été plutôt long. Oui, je crois qu'on a fait le tour un peu, très bref, parce que là, on s'est concentré sur les éléments arthuriens. Bien sûr, ça traite de beaucoup d'autres choses. Vous avez des guerres interminables entre différents parties. Donc, si vous voulez parler de l'œuvre dans son entier, il y a beaucoup d'éléments qu'on a mis de côté, disons. Oui, ça s'inscrit dans une dimension, disons, plus large de phénomènes à l'époque médiévale, de vision d'une translation impériale entre Troie, puis Rome. Puis finalement, qui vous voulez, finalement, les Francs revendiquent aussi une origine troyenne. Si vous regardez notre série de vidéos sur l'histoire des régions, c'est pas sourcé, on vous a parlé d'Odin. Snorri Sturluson fait venir les dieux nordiques de Troie aussi, tout le monde veut venir de Troie. Oui, Francs. C'est une espèce de source finalement de prestige et de pouvoir. On sait que déjà à l'époque romaine, il y a des Gaulois qui se disaient descendants de Troie aussi, pour se prétendre. Les Arvernes apparemment se disaient frères des Romains, parce qu'ils descendraient aussi de Troie. Donc ils s'inventaient déjà à l'époque le même genre d'origine que les Romains. Donc ça s'inscrit dans une tradition beaucoup plus large qu'il est important de préciser, je pense. Enfin, on l'a mentionné déjà avant, hein, mais c'est quand on a parlé de Nennius, mais ça s'inscrit dans une tradition plus large, clairement plus ancienne en tout cas, une volonté de légitimer la puissance et la domination actuelle et de revendiquer peut-être une plus grande puissance pour certains. Et la prochaine fois, on vous parlera d'histoire finalement très semblable, parce que ce sera des... Alors c'est un bien gros mot, mais des... On va regarder les traductions de Geoffrey faites par Wass et Lachman, qui changent beaucoup. Hein. C'est pas une traduction mot à mot, on va dire. Ils ajoutent, ils enlèvent, ils compressent, ils retirent. Et ils mettent en vers surtout. Ils mettent en vers et ils mettent dans des langues vernaculaires. Donc, et c'est leur principale caractéristique, et ce pourquoi ils sont connus. On vous en parlera avec peut-être aussi quelques brèves mentions de quelques-uns de leurs contemporains et de leurs efforts. Et on vous dit à la prochaine fois. Dans TV Nerd, je vous donne rendez-vous avec mes chroniqueurs pour passer en revue la vie des médias audiovisuels. Télé, radio, internet, tout y passe. Au programme de chaque épisode, retrouvez un condensé de l'actualité des médias, un bon gros dossier qui déboîte et nos recommandations de programmes à consommer sans modération. TV Nerd, c'est en direct un dimanche sur deux sur Radio Kawa. Bonjour, je m'appelle Perrine Andrieux et je vous invite à découvrir Les Pressés de l'Expression. C'est le podcast Travail et langue française. Apprenez à mieux vous exprimer dans un cadre professionnel et soyez plus à l'aise à l'écrit comme à l'oral lorsque vous vous adressez à vos collègues, à vos clients ou à vos supérieurs. Je vous propose des épisodes courts, réguliers et en libre téléchargement avec des recommandations qui passent toutes seules. Ce que je vous raconte est documenté et se base le plus souvent sur les positions de l'Académie française, l'avis des sémiologues et une utilisation approfondie du dictionnaire. Retrouvez-moi un jeudi sur deux sur Radio Kawa.